Donc, on va passer à l'intervenante suivante. C'est Noémie qui va nous parler de l'histoire de l'éducation populaire. Voilà, donc je te passe la parole. Bonjour, vous m'entendez bien ? Alors, je ne vais pas parler de l'histoire de l'éducation populaire, je vais parler d'une histoire de l'éducation populaire. Et cette histoire, elle sera forcément partielle et partiale, puisque l'histoire, ça s'interprète. Alors, les historiens sont quand même d'accord pour donner un acte de naissance à cette idée d'éducation populaire. Et ils sont, la première fois dans l'histoire qu'on entend parler d'une éducation par le peuple et pour le peuple, c'est 1792, au sortir de la Révolution, avec Condorcet, qui dépose à l'Assemblée législative un rapport intitulé « 5 mémoires sur l'instruction publique ». Et dans ce rapport, il développe deux idées, deux axes pour l'éducation. Un axe sur l'instruction publique, qui est l'ancêtre en fait de notre école républicaine, et un autre axe sur l'éducation en fait tout au long de la vie, puisque pour Condorcet, la démocratie n'est possible que si le citoyen est éclairé et éduqué à pratiquer la démocratie. Et dans ce rapport, on peut y lire une phrase assez belle. Donc je cite Condorcet, il dit: tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions d'une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auraient été brisées. En vain des opinions de commande seraient d'utiles vérités. Le genre humain n'en resterait pas partagé entre deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. Et là, Condorcet... il se positionne là, on est vraiment dans la lutte contre l'obscurantisme religieux. Donc, c'est les premiers jalons d'une éducation populaire. Ensuite, ça va être le 19e siècle. Le 19e siècle marqué en France par les trois révolutions, 1830, 1848 et 1871. Et va se développer une éducation populaire autour de trois courants. Un premier courant, amorcé, le courant laïque et républicain. Un deuxième courant qui est le christianisme social, qui lui va se positionner contre la misère et contre la pauvreté. Et un troisième courant, le courant ouvrier révolutionnaire, qui lui va lutter contre le capitalisme. Donc je vais vous exposer un peu ces trois courants, puis on reviendra à une chronologie sur le XXe siècle et on débattra d'aujourd'hui comment on fait vivre cette idée d'éducation populaire. Donc, contre le courant laïque républicain se positionne contre donc l'obscurantisme. Après la révolution de 1830, il y a des bourgeois philanthropes qui créent d'abord l'association polytechnique. L'idée étant, on est en pleine révolution industrielle, de former les travailleurs, mais aussi de réfléchir à nos places dans la société, etc. À cette suite, il y a 1848, la révolution de 1848, et la création de l'association philotechnique, qui existe encore aujourd'hui, et qui fait des universités populaires, qui donne des cours du soir, etc. Il y a une date importante de l'éducation populaire, et un personnage important de l'éducation populaire, c'est Jean Massé. Jean Massé, il crée en 1866 la Ligue de l'enseignement. L'idée de Jean Massé, c'est pareil, c'est de faire vivre une éducation par le peuple, pour le peuple, partout, pour l'exercice de la démocratie. On est toujours dans cette idée. Et c'est aussi, ça arrive au moment où le Second Empire commence un petit peu à s'adoucir. Et il y a une loi, vous savez qu'il y avait une loi en 1791 qui s'appelait la loi Le Chapelier, qui interdisait aux gens de se réunir. 1868, le Second Empire fait une loi qui autorise les réunions publiques à la seule condition qu'on ne n'y parle ni politique ni religion. Vous imaginez bien que cette loi, elle a vite été détournée et que ces réunions publiques du Second Empire sont devenues des lieux où on discute de politique, où on discute des dominations que peuvent subir les ouvriers, etc. Et là, l'éducation populaire, elle se vit partout. Chaque quartier a sa réunion publique. Et ces réunions publiques vont avoir une importance très importante dans la formation de ce qu'on appellera plus tard, dans la formation politique de ce qu'on appellera plus tard, les communards. On est en 1866. 1871, la Commune de Paris. La Commune de Paris, elle décrète déjà en elle-même une idée de l'instruction des enfants par les ouvriers eux-mêmes, hein, et surtout l'instruction des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. Pendant ces deux mois, elle décrète ça. Bon, ça, malheureusement, elle a été ensanglantée et terriblement réprimée. Cette idée a été récupérée par l'école bourgeoise de Jules Ferry, qui veut soustraire les enfants aux ouvriers pour former par les bourgeois. Voilà. Je vous disais qu'elle était un peu partiale, mon histoire. Donc on a un deuxième courant qui est contre la misère et la pauvreté, et c'est le courant du christianisme social. Alors ce courant, c'est un courant qui naît au début du 19e siècle et qui est interclassiste. Vous allez y trouver des fils d'ouvriers, paysans, des petits bourgeois, etc. Mais il y a toutes les classes. C'est un courant important. Il y a un personnage important de ce courant, c'est Marc Sangnier, qui va créer une revue qui s'appelle Le Sillon. Et il se positionne aussi avec un discours politique. Et d'ailleurs, cette revue sera dissoute et ils vont recevoir du pape Pie X à l'époque des grandes remarques, etc. Enfin, ils sont pas du tout plébiscités par l'Église parce qu'elle les accuse d'être trop modernistes. Mais par contre, ce courant-là va donner naissance à des grands mouvements comme la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, la JAC, la jeunesse agricole chrétienne, qui vont être des lieux de conscientisation de la jeunesse. Le mouvement du christianisme social s'implante plus en direction de la jeunesse. Vous allez avoir le scoutisme, le mouvement scout, qui est aussi un mouvement d'éducation populaire, qui va donner naissance après aux éclaireurs, etc., les scouts laïcs. Aujourd'hui, il y a des scouts musulmans. C'est des lieux où la jeunesse se forme. Ce qui est intéressant à noter dans ces courants, et c'est encore aujourd'hui le cas, c'est que c'est des courants qui sont encore animés par les jeunes eux-mêmes. Voilà, ce qui n'est plus le cas de la Ligue de l'enseignement où les responsables associatifs ont pris l'attaché caisse, quoi. Alors, le troisième courant, qui est le courant contre le capitalisme, le courant ouvrier et révolutionnaire, en tout début du 19e siècle, 1810-1820, vous avez la création dans les usines, dans les ateliers de mutuelles, de coopératives, etc. Et en fait, le mouvement de l'éducation populaire chrétien, révolutionnaire et ouvrier, il naît de là. Il naît de ces coopératives, de ces mutuelles, etc. Je fais hyper vite dans l'histoire, hein, parce qu'il faut qu'on ait le temps de débattre de comment on vit l'éducation populaire aujourd'hui. Mais un moment important, c'est la création des bourses du travail. Les bourses du travail, c'est la fin du 19e siècle, c'est 1880. Et l'anarchiste Fernand Pelloutier, il dit ce qui manque à l'ouvrier, c'est lui, hein, le créateur des bourses du travail, il dit ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son malheur. Et dans les bourses du travail, on va avoir des cours du soir, des bibliothèques, etc. On va aussi avoir l'essor du syndicalisme, et le syndicalisme à ce moment-là donne des cours du soir aux ouvriers dans les usines. Il y a de la philosophie, de la politique, etc., etc. Et l'idée, c'est de faire de l'éducation populaire comme un prémisse à la révolution. On est vraiment dans cette idée-là pour ce courant-là. Donc, je vais reprendre une chronologie, hein, sans les courants. Donc, ça va être le 20e siècle, une loi essentielle à l'essor de l'éducation populaire, c'est la loi 1901, hein, l'autorisation, la loi sur les associations. Et là, ça va être un énorme, entre guillemets, coup de pouce pour les citoyens. Ça va être en même temps un énorme coup de pouce, et en même temps, on commence à rentrer dans ce que j'appelle l'institutionnalisation de l'État. hein. Mais ça va permettre à des grosses associations comme les CMEA, comme l'UFCV, comme etc. de naître et de c'est l'essor des colonies de vacances, etc. etc. J'ai plus de notes maintenant, ça va être ma mémoire. 1936, le Front populaire, qu'est-ce qu'on fait de ces congés payés? Et là, énorme essor aussi des colonies de vacances, des mouvements de jeunesse, des enfin il y a différents mouvements qui s'expriment et c'est un moment très important de l'éducation populaire en France. On en parle tout le temps et n'importe quel jeune est soit chez les scouts, soit au patronage, soit à la JOC, soit tout le monde est dans un grand mouvement d'éducation populaire à ce moment-là, hein. Jusqu'à la guerre, en fait. Et là, la guerre, donc, le régime de Vichy va instrumentaliser l'éducation populaire avec Pétain qui va créer les chantiers de jeunesse, les écoles de cadres qui vont former les gens qui vont embrigader la jeunesse, etc. Et donc, il se sert de l'éducation populaire pour embrigader la jeunesse dans la révolution nationale, travail, famille, patrie. Mais parallèlement à ça, il y a aussi des mouvements d'éducation populaire qui se créent dans la clandestinité, dans la résistance. Je pense aux francs-camarades, qui deviendront les francas plus tard. Je pense à Culture et Liberté, un grand mouvement aussi d'éducation populaire, etc. Donc voilà, vous avez ça parallèlement. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des choses que les résistants ont amorcées dans la clandestinité qui vont revenir dans le projet du CNR. Il y a plein d'idées qui vont émerger aussi dans ces mouvements qu'on retrouvera dans le projet du CNR. Donc c'est quand même intéressant à noter. Donc on est en 45. Alors il y a une émergence, hein, après la libération, on continue à développer l'éducation populaire. C'est pas encore une expression ringardisée comme elle peut l'être aujourd'hui au XXe siècle, même si elle revit là sur la place de la République. Mais ça se développe très bien. Il y a une chose terrible, c'est 1958 et la création du ministère de la Culture. Et c'est là qu'on passe dans la phase de l'institutionnalisation de l'État. Il y avait pas, avant Malraux, hein, il n'y avait pas de ministère de la culture. C'est-à-dire que la culture, elle était transversale, on la vivait partout. C'était l'éducation populaire, la culture. Et là, on se retrouve dans une aberration où, enfin moi, ce que j'appelle la culture avec un grand cul, quoi. Hein, où je fais un atelier théâtre. Si je fais un atelier de théâtre amateur, je suis dépendant du ministère de la jeunesse et des sports, hein, parce que parallèlement à ça, il y a la création du ministère de la jeunesse et des sports. Par contre, si je crée une pièce de théâtre, je suis au ministère de la culture, ce qui est quand même un peu aberrant, quoi. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle voilà l'institutionnalisation de l'État, où les mouvements d'éducation populaire vont être mis à mal par la question du financement, c'est-à-dire que ils s'institutionnalisent, ça veut dire qu'ils ont le droit à des droits, mais ça veut dire aussi qu'on restreint leur marge de manœuvre et leur liberté. Hein. C'est le mouvement dans les années 60, c'est aussi le temps où on construit des MJC, on construit des centres sociaux, et si on construit des infrastructures, on crée aussi des associations qui vont gérer ces infrastructures. Et les militants qui étaient des militants qui faisaient tout deviennent des professionnels. Il y a la création de métiers, du métier d'animateur socioculturel avec des diplômes. Et petit à petit, on va de plus en plus se spécialiser. C'est-à-dire que on va être animateur théâtre, animateur art plastique, animateur voilà. C'est-à-dire que tout l'aspect politique et émancipatoire, tout ce projet émancipant que pouvait porter l'éducation populaire est technicisé, on va dire, par l'institutionnalisation de l'État et perd de sa force politique, évidemment, perd de son projet politique. Une loi extrêmement importante aussi, c'est la loi Delors sur la formation professionnelle. Auparavant, donc 1871, les employeurs, les sociétés payent, cotisent pour la formation professionnelle et les salariés également. Auparavant, c'était les mouvements d'éducation que j'appelle permanentes, les mouvements d'éducation populaire tout au long de la vie, qui avaient en charge la formation des professionnels et des travailleurs et de l'être humain, en fait, tout au long de la vie. Et là, on passe à une formation du professionnel, pas de l'être humain. Hein, on passe à l'idée d'une formation où l'employeur a un droit de regard, hein, évidemment, et où on est formé à un métier, à une technique. Donc on perd encore là, les grands mouvements d'éducation populaire perdent beaucoup de leurs prérogatives. Et on va continuer jusqu'à aujourd'hui, hein, sur cette pente-là, sur cette institutionnalisation de l'État qui fait perdre aussi énormément aux militants de l'éducation populaire le sens de ce qu'ils font. Parce qu'ils se retrouvent à rédiger des appels à projets, à être complètement soumis à l'État. Là, ils se retrouvent, voilà. Et vous allez avoir, notamment dans les quartiers populaires, avec les dispositifs de politique de la ville, des associations qui se retrouvent coincées et qui sont finalement comme des salariés de l'État au final, quoi. C'est de la délégation de services publics, mais voilà. Parallèlement, il y a des poches de résistance, parce que le mouvement hip-hop, c'est aussi un mouvement qui fait vivre l'éducation populaire partout, dans les murs, etc. Il y a notamment, en 98, quand c'est Marie-Georges, ministre de la Jeunesse et des Sports, une réflexion sur l'éducation populaire politique qui est lancée. Et ça a permis, alors ça n'a rien donné politiquement, hein, par contre ça a permis à des gens de se rencontrer, et il y a des coopératives d'éducation populaire, je pense à celle de Franck Lepage, Le Pavé, et d'autres qui se sont créées après. Donc ça a permis à des gens de se rencontrer et à de re-questionner cette idée-là de l'éducation populaire tout au long, et moi je dis tout au large de la vie, parce que voilà, la vie elle est large, quoi, aussi. Voilà, je pense que j'ai brossé un tableau ultra rapide, super partiel de l'histoire de l'éducation populaire. Aujourd'hui, moi, je suis ravie d'avoir ça, de voir. Je crois qu'elle se vit aujourd'hui. Je crois qu'on en avait un besoin urgent et vital, et c'est pour ça que ça marche si bien, je pense, les universités populaires. Mais ceci dit, les universités populaires d'Onfray, etc., sont pleines, hein, depuis quelques années. Hein. Donc je pense qu'en France, il y a un besoin et une envie de faire vivre ces idées-là d'éducation populaire. Une idée d'une éducation par le peuple et pour le peuple. Et pour finir, je voudrais juste citer un pédagogue brésilien qui s'appelle Paulo Freire, que j'aime beaucoup, et qui nous dit qu'il a beaucoup travaillé avec il a écrit un bouquin qui s'appelle Pédagogie des opprimés, qui a beaucoup travaillé avec les paysans sans terre du Brésil, et il nous dit: personne ne s'éduque seul, personne n'éduque personne, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et je crois que pour moi c'est une définition de l'éducation populaire. Voilà. Merci de votre écoute, super écoute, merveilleux, merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir, poser, voilà. Je suis pas sûre de pouvoir répondre aux questions, je suis pas du tout spécialiste, mais non. Ah, si. Non, pas moi. Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque, poser une question? Bah, écoutez, je veux juste remercier la jeune fille là. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'apprendre tout ça, ni au collège, ni nulle part, parce que je ne suis pas allée. Et je pense que pour pouvoir accéder à cette connaissance, on peut pas y accéder si on n'a pas de dignité. Et la dignité, ça commence par un toit. Vivre légitimement dans un toit, je veux dire légitimement, ni au noir, ni rien du tout. Et donner cet accès, moi je vois les écoles... Chaque école est différente, chaque quartier. Donc le problème, c'est l'argent. C'est pas juste que... Ça devait pas se passer comme ça, la démocratie. Depuis tous les siècles que vous avez dit, tous ces gens géniaux, que ça soit de Victor Hugo, bon bref, ce que moi je sais, que tout le monde sait par les médias ou par les poésies, etc. Ces personnes se sont battues pour la dignité en premier, pour que les gens puissent vivre dignement, et après pour pouvoir... étudier ou faire s'élever pour être bien, quoi, dans leur vie. Et en fait, ça fait quand même un petit moment que ça ne se passe pas comme ça, là. Il y en a, ils ont trois toits, il y en a, ils en ont zéro. Je parle pas uniquement des étrangers ou des émigrés comme moi. Moi, ça fait 55 ans que je suis en France et je vis dans une chambre de bonne. Je n'ai pas de douche et je me lave dans un grand sac poubelle. Alors, il faut réfléchir surtout à ça. Pas se moquer des gens parce qu'ils n'ont pas de connaissances, etc. Mais même s'ils veulent la voir, bon, moi je l'ai un petit peu, je la vole, je lis ici, trois pages de Nietzsche, etc. en faisant le ménage chez les gens. Mais maintenant, tout est dégueulasse, on va dire. Ce sont des associations qui vous embauchent. Ça fait 6 ans, je gagne toujours la même chose. Je dois faire 3 heures là, 3 heures là, 3 heures là. J'habite le 16e arrondissement. Toutes les personnes riches là-bas, ils embauchent tous des Philippines en profitant d'elles, bien sûr, sans les déclarer. Cet argent, on en a besoin pour les écoles, pour l'éducation. Ils vont pas le chercher puisque c'est les mêmes qui sont au pouvoir. Donc, il faut se réveiller un petit peu et les obliger à faire que la démocratie, la dignité existe. Parle-toi. Et par, je suis désolée, je ne trouve pas mes mots, je les ai écrits, mais je vais pas sortir mon livre. Par la dignité et par, c'était quoi le mot que j'avais dit ? La légitimité. La démocratie, c'est une légitimité. Et nous allons tous ici, en tout cas moi, je ne me suis pas battue pendant des années en votant n'importe qui, n'importe quoi, parce que j'avais confiance, j'étais naïve. Maintenant, je me réveille et je viens pour vous soutenir, vous les jeunes, vos enfants, nos enfants, pour que cet avenir existe, la démocratie. Merci infiniment, mademoiselle, de m'avoir appris ce que je n'avais pas appris avant. Oui, j'ai pris en cours de route parce que j'étais avec les camarades africains. Moi, j'ai été pendant 40 ans éducateur, psychologue et directeur d'établissement d'enfants en très très grande difficulté. Je voudrais rebondir sur une idée que j'ai pris en cours de route. C'est que c'est vrai que nos métiers, je les ai vus passer d'un engagement militant à de plus en plus simplement une spécificité technique. Elle est nécessaire, elle est indispensable, mais c'est vrai que j'ai vu un appauvrissement qui n'est pas dû aux personnes, qui est dû, comme tu as dit, encore une fois, si j'ai bien compris en cours de route, aux institutions. Et effectivement, l'institution nous pousse de plus en plus à être des techniciens, performants, on peut en discuter, mais en tous les cas, de moins en moins militants, et donc avec de moins en moins d'orientation idéologique. Et ça, je pense que c'est vraiment une catastrophe, parce qu'on le retrouve dans tous les métiers sociaux, éducatifs, culturels, parce que je suis aussi membre d'une association culturelle, on retrouve toujours cette question-là, de moins en moins d'idéologie au sens le plus noble du terme, avec de la compétence technique qui vaut ce qu'elle vaut, même si je le dis, elle est nécessaire quand même. Oui, il me semble aussi que justement la spécificité de l'éducation populaire par rapport à l'université ou autre, c'est que très souvent on pense l'université, sa fonction, c'est quand même de délivrer des diplômes. Donc c'est-à-dire c'est d'un point de vue utile pour trouver un travail, c'est vu du point de vue de l'utilité. Alors que je verrais plus l'éducation populaire dans le sens de l'utilité peut-être, mais mêlée au plaisir, c'est-à-dire la possibilité d'apprendre, pas pour faire un métier, pas pour quelque chose, simplement le plaisir, voilà, d'être là, plusieurs, d'échanger et d'apprendre sur un thème qui nous intéresse et pas forcément dans un but précis. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait la dame précédemment. Il faut de l'argent, il faut un toit, mais il faut aussi du temps pour s'éduquer, et c'est pas toujours facile d'avoir le temps de s'éduquer, quoi. Il faudrait aussi qu'on nous libère un peu du travail pour qu'on puisse s'éduquer, ça c'est important. Bah, tous les débats qu'on voit là sur la loi travail, tout est lié en fait. Tout est lié, quoi. Évidemment qu'on a besoin de temps pour réfléchir ensemble, pour construire ensemble, etc. Je voulais simplement réagir par rapport à ce que tu disais sur l'université. Pour moi, l'université, c'est aussi une institution qui crée du savoir. C'est pas que qui délivre un diplôme. Ça devrait être aussi une institution qui crée du savoir, qui va tenter de le transmettre aux étudiants. Mais d'abord, il y a des chercheurs qui essayent de créer du savoir. Et juste savoir, c'est saveur aussi, étymologiquement. Donc je suis tout à fait d'accord, le plaisir d'apprendre, tout simplement. Et tout, apprendre tout, quoi. Enfin. Bonjour, c'était pour te remercier pour l'intervention. Et puis, je voulais réagir pour vraiment marquer l'importance de l'éducation populaire. Je travaille à l'éducation nationale, et c'est clair, quand on regarde les programmes, on oublie certains passages. comme les méfaits de l'impérialisme, tout ça. Et de façon générale, si nos luttes convergent ici, c'est parce qu'on a été dépossédés de quelque chose à un moment. Et l'éducation populaire est là justement pour nous redonner notre conscience, nous aider à ouvrir les yeux sur les phénomènes. Alors on pourrait lister tous ces phénomènes-là, mais l'éducation populaire est vraiment, vraiment importante pour qu'on reprenne possession de cette conscience, de cette envie d'en savoir plus, et c'est de là que vont découler notre force pour mener les luttes qui convergent, encore une fois, voilà. Autant profiter, parce que c'est rare que je prends le micro. Salut, vous allez bien ? Salam alaikum, bonjour. Voilà, mais juste vous dire ça, j'aime ce pays, j'aime cette terre, j'aime cette culture. J'aime ces auteurs, je vous aime aussi, au peuple de France, dans sa diversité, sa beauté et sa grandeur. Et je me nomme Rabah Medaoui, je vis à Saint-Denis, donc en banlieue nord, en terre de France toujours. Hein, c'est pas Saint-Denis, mais n'est pas un territoire, mais un lieu ouvert à tout le monde. Je suis acteur, poète et diseur de textes. On parlait de culture tout à l'heure. Je viens de donner un spectacle au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. On a un directeur extraordinaire, Jean Bellorini. Voilà, c'est un mec, mais qui est vraiment à l'écoute de la population et qui cherche à comprendre, à savoir sur la transmission et un rôle de passeur. Mais tout ce qui amène à l'administratif, c'est vraiment une problématique, quoi. Je vais vous donner une poésie, puis après je me casse, on est d'accord? Est-ce que vous voulez un texte, non? Alors, c'est le texte, ça dit... Kateb Yassine, il disait ça, « Toutes les peines sont capitales pour celui qui parvient au centre du destin. » Ici, un souffle me résume, et ma langue, enfin corrompue, avec les algues, va nourrir l'immensité. C'est ici qu'il faut tout vomir, les peines, les soucis, les chimères, les sciences. Et comme l'océan, il me faut rendre gorge si je veux repartir à vide, à l'autre bout du destin, où n'entre plus ni masque de tragédie, ni foule ni passant, au-dessus des chastes altitudes où le baiser surabonde en étoiles, où la crinière commence au talon, où le savoir est un éclair fidèle, et l'amour une seule nuit sans mémoire. Juste vous dire ça, que le savoir c'est abordable à tout le monde, quel que soit le lieu ou l'endroit où tu vis, ton nom, c'est de la rigueur, c'est du travail, c'est des rencontres, c'est aussi des rencontres. Voilà, je vous aime, salut, c'est juste ça, quoi. Merci, au revoir. Je vous invite à vous rapprocher, vous asseoir pour que le maximum de monde puisse écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Il nous reste 30 minutes à peu près de débat. Oui, bonjour. C'est pour rebondir sur ce qui a été dit au tout début par madame. Pour accéder à la culture, à mon sens, il faut déjà remplir les premières strates de la pyramide de Maslow, donc les besoins primaires. Ça, c'est le premier versant déjà, tout simpliste. Donc, régulièrement, donner un toit aux gens, donner de quoi manger aux gens, et après, ils peuvent accéder à la culture, hein, pour simplifier la pyramide. Voilà, qui est une pyramide des besoins. Le deuxième versant, c'est lutter contre la culture mainstream à l'heure actuelle, parce qu'on a une sorte de culture à l'heure actuelle qui forme l'inculture des gens. C'est la télé-réalité, par exemple, qui a tendance à nous abrutir sévèrement. Voilà. Donc, je pense qu'ici, on doit forger nos propres contenus culturels et les diffuser au maximum. Donc on a des médias pour ça déjà, on a TV Debout, Radio Debout, mais il faut continuer, faut pourquoi pas faire un journal debout, faire des BD debout, etc. Enfin, utiliser le champ culturel le plus largement possible. Donc pourquoi pas faire des films aussi, ceux qui ont du matériel, etc. Maintenant, sur les institutions, j'aimerais poser la question à l'intervenante. Comment se réapproprier l'éducation populaire à l'heure actuelle, en dehors des places, c'est-à-dire comment investir, se faire sentir investir la population par l'éducation populaire, parce qu'on est relativement peu au vu de ce qu'est la population de ce pays. Donc faut pas non plus s'enflammer, certes c'est bien ce qui se passe ici, mais c'est que le début, c'est les premières briques d'un édifice qui nous reste à construire. Merci. Tout à fait, hein, on est dans un cercle restreint. Il nous reste encore énormément de travail. Et dans ta question, alors moi, j'ai pas de réponse, mais il me semble qu'en fait, il faudrait que ça soit transversal et que l'éducation populaire, elle soit partout dans nos entreprises. Enfin, voilà, dans nos équipes de travail, dans nos écoles, dans les pédagogies qu'on va utiliser avec les enfants, dans les institutions qui se réclament de l'éducation populaire, oui, mais partout ailleurs, sur les places publiques, dans les cafés, partout, quoi. Partout. Je pense que et faut déringardiser cette expression. Enfin, voilà, éducation populaire, on pense à Léo Lagrange et voilà, à certains grands noms. Les stades de foot, ils ont souvent des noms de gens de l'éducation populaire. Il faut déringardiser cette idée et se dire qu'en fait, c'est l'éducation du peuple pour le peuple, avec le peuple, et c'est partout, tout le temps. Après, on peut se poser la question, c'est qui le peuple? Est-ce que nous, on est le peuple? Je pense pas. En fait, on est très peu nombreux par rapport à la population française. Et si vous discutez avec vos collègues, je sais pas si ou d'autres proches, etc. Nuit debout, ils sont super loin, en fait, quoi. Ils voient pas l'intérêt. Et leur intérêt, c'est de toucher la paye à la fin du mois. Et voilà. Et ce que disait la dame, c'était très juste. Faut d'abord pouvoir se loger, d'abord être à pouvoir manger, etc. Avant de penser à s'émanciper. Et moi, je pense que le mot clé, c'est l'émancipation. Et l'émancipation, ça passe d'abord, comme tu l'as dit, par les besoins primaux, quoi. Les premiers besoins, c'est évident. Mais je pense que il n'y a pas de hiérarchie. Hein, enfin, ça peut aller ensemble. Je pense au mouvement ATD Quart Monde. Mouvement ATD Quart Monde qui prend en charge vraiment les gens qui sont vraiment dans la vraie galère, etc. Et ils vont dans les bidonvilles avec des bibliothèques, avec des caisses de livres. Ils font ce travail-là aussi tout le temps. Alors, ils répondent, il y a des assistantes sociales qui vont répondre aux besoins sociaux vitaux. Mais il y a aussi des animateurs, des militants qui arrivent avec des, parce que c'est aussi important, en fait. C'est aussi important. Parce que l'art, c'est des espaces de liberté. Avoir juste ce truc-là où on regarde une œuvre d'art, on écoute de la musique, on est à un moment T, on est complètement absorbé. Voilà, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais voilà, on est complètement absorbé et c'est ça qui nous donne des espaces de liberté. Et ça, ça devrait être à tout le monde. Ça devrait être permis à tout le monde d'avoir cette liberté-là qui nous permet ensuite de penser le monde. C'est facile de penser le monde, de s'y inscrire, de s'y investir quand y avait des livres chez toi, que tu es allé à l'école, que tu as tout le temps discuté politique avec tes parents, etc. C'est facile. Le truc, c'est comment. Moi, j'ai eu cette chance-là. Comment je fais maintenant pour que, répandre cette démarche d'éducation populaire? Parce que pour moi, en fait, c'est pas une idée, c'est une démarche, façon d'avancer. En fait, je crois que c'est plutôt ça. C'est une façon d'avancer. Il faut pas perdre l'idée que c'est l'émancipation le but du jeu, quoi. Le but du jeu, c'est l'émancipation. Les trois courants du 19e siècle, ils nous l'ont dit. Ils luttaient contre l'obscurantisme, ils luttaient contre la pauvreté, ils luttaient contre le capitalisme. Voilà, on les a, le but du jeu de l'éducation populaire, il est là. Il est là, voilà. Merci à toi. Qui veut... On a encore du temps. On a encore du temps. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Il nous reste une vingtaine de minutes, donc on a encore le temps d'avoir quelques interventions. j'ai pas l'habitude. Bon, bah, je vais revenir sur. Pareil, je vous ai cité le nom de Léo Lagrange. Ça vous dit quelque chose ou pas? Léo Lagrange était le ministre de Léon Blum après le Front Populaire et le Front Populaire avait un ministère hein, après 36 de l'éducation populaire. Et c'était le ministre de l'éducation populaire et il s'est rajouté le sport. Voilà. Après, il y a eu une dérive et ça, je sais pas trop si je vous en ai parlé vers. On en avait parlé avec le monsieur qui était travailleur social aussi, vers les métiers de l'animation, vers l'animation socioculturelle. Et moi, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai pu vivre dans mon métier d'animatrice. Je devais aller chercher des dossiers de subvention et il fallait que j'aille voir avec le ministère de tutelle. Et moi, j'étais dans une MJC, Maison des Jeunes et de la Culture. Donc je vais au ministère de la Culture et le ministère de la Culture il me dit vous faites pas de la culture, vous êtes dans une MJC, vous faites du socio-culturel, donc vous allez voir le ministère des Affaires Sociales. Je vais au ministère des Affaires Sociales et le ministère des Affaires Sociales il me dit vous faites du socio-culturel, allez voir le ministère de la Culture. Je lui dis mais j'en viens, qu'est-ce que vous me racontez là? Il me dit allez à Jeunesse et Sport, peut-être que eux ils trouveront une solution. Et à Jeunesse et Sport, pareil, ils me disent « Ouais, mais vous faites pas de sport !» Ok, bon bref, donc en fait cette idée, parce que nos métiers, moi mon métier, il vient de ces idées d'éducation populaire, et en fait, il sait même pas où se placer d'un point de vue institutionnel. En fait, on n'en a pas voulu de cette idée-là. On n'en a pas voulu. Les institutions françaises n'en veulent pas. Voilà, et donc voilà, c'est une petite anecdote un peu marrante qui te dit « Bah, quand même, d'un point de vue institutionnel, tu sais pas où te placer. » Et après, ça participe à une reconnaissance de ce que tu fais, hein, de ton métier. Après, la question de la reconnaissance, j'ai entendu ce mot-là beaucoup aussi ici. Voilà, il nous reste du temps, personne ne veut prendre la parole. Est-ce que vous avez des expériences, vous, d'éducation populaire? Ça peut être une colonie de vacances, des choses comme ça. Parfois, ça peut changer les vies, quoi. S'il y en a qui ont passé leur BAFA. Moi, non, personne. Si. Moi, le BAFA, je pense qu'il devrait être un peu obligatoire. Ça devrait être un rite d'initiation. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire le passage à l'âge adulte, quoi. Où, moi, j'étais un enfant, je partais en colonie de vacances ou en centre de loisirs, etc. Et puis, j'ai 17 ans et je passe de l'autre côté et je me mets à encadrer d'autres jeunes. Et moi, ce qui me semble aussi important dans l'idée d'éducation populaire, c'est le collectif, c'est le groupe. C'est le groupe, c'est ça qui est essentiel. C'est vivre l'expérience collective, vivre ensemble, se rendre compte que mon individu, eh ben, il fait partie d'un groupe et que ce groupe, il a une identité. Et cette identité de groupe, c'est pas la somme des individus, c'est autre chose. C'est les interactions qu'il va y avoir avec entre individus. Et ça, ça crée le collectif. Ça, voilà, ça crée une émulation, etc. Après, il y a des gens qui ont réfléchi à la dynamique des groupes aussi, d'un point de vue psychanalyse, etc. Hein. Mais il me semble super important de se dire ça. On parle d'individualisme tout le temps. Hein. J'ai entendu beaucoup en AG, individualisme, il faut lutter contre l'individualisme. Je suis archi d'accord. Ceci étant dit, il me semble que l'émancipation, elle passe aussi d'abord par une connaissance de soi. Pour être bien avec les autres, il faut déjà se connaître un petit peu. C'est Gandhi qui nous dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc peut-être que la première émancipation, elle passe par revenir sur son parcours. Voilà, c'est la phrase de Sartre que j'adore qui dit « Qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on a fait de moi ? » Qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on a fait de moi ? Revenir, qu'est-ce qui me constitue moi ? Qu'est-ce qui fait que j'ai appris et que je suis un individu singulier ? Et quand on a cette individuation, je dirais, il faudrait demander à la commission vocabulaire de trouver un mot qui n'est pas individualisme, mais en tout cas, quand on s'est construit, ensuite on peut vivre avec les autres et on peut se constituer en collectif, en groupe, etc. Donc il y a aussi tout ce travail, je pense, à essayer de faire partout, avec les gens qu'on rencontre, comment on éduque nos enfants, etc., etc., quoi. Voilà. allez-y. Oui, non, en fait, bonjour, je passe, et en fait, bah, je trouve ça super ce que vous faites. Et je pensais à une chose, parce qu'elle parlait de faire l'éducation populaire dans le travail. Et en fait, ça se faisait. Bon, après, on peut maintenant penser ce qu'on veut de la CGT, ce qu'elle est devenue, tout ça, bon, voilà. Mais... en fait, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour l'éducation populaire à ce moment-là, parce que j'ai rencontré, c'est un témoignage, j'ai rencontré une femme qui a 20 ans de plus que moi et qui faisait le ménage dans un collège en Normandie. Et en fait, elle a rencontré son mari qui était cégétiste et qui avait beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de culture. Et en fait, ce qui se faisait, c'est que la CGT, la CGT et les syndicats dans les entreprises et dans les usines, en fait, ils apportaient les livres. Ils avaient des heures de je sais pas si c'est journalier ou par semaine, ou des moments de culture partagée, de culture populaire. Et effectivement, ça s'est perdu. C'est vrai que sûrement que les gens des ministères ne voient pas forcément l'intérêt, parce que eux, la culture, ils en ont. Enfin voilà, c'est facile l'accès à leur culture pour eux. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a à réinventer ces choses-là, et c'est vrai que c'est devenu maintenant les MJC. Bon, ça n'a plus d'énergie, ça n'a plus. C'est vrai qu'il y a des choses à réinventer, et vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je travaille à Argenteuil. Bon, je suis dans un milieu favorisé puisque je suis au conservatoire de musique, mais quand même, il y a vraiment, vraiment besoin de culture et vraiment besoin de gens qui réinventent les jeunes. Il faut vraiment que vous réinventiez des choses pour qu'il y ait l'accès à la culture à tous et pour que les gens se rencontrent, les gens parlent, les gens se connaissent, parce que goût d'origine différente et beaucoup de choses à partager, quoi, je pense, et à créer un nouveau, voilà, de nouveau, un peuple, voilà. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Bonjour. Alors, j'en ai pas pour très longtemps. J'ai travaillé dans l'animation de nombreuses années. J'ai un BATEP, donc un brevet d'animateur technicien de l'éducation populaire. Je suis aussi éducateur sportif. J'ai travaillé aussi à Jeunesse et Sport pas très longtemps. J'étais contractuelle. Bref. Je suis arrivée à Jeunesse et Sport à une période où j'étais en province, donc au moment de la REAT, de la réforme de l'administration publique territoriale, et il s'est passé que les services de Jeunesse et Sport, vous en avez peut-être déjà parlé, en fait ont fondu comme neige au soleil et ont été intégrés au service des fraudes, de protection de la population, avec des coupes énormes dans les budgets. Qui permettait pas, enfin, aux associations, enfin, clairement, au niveau de l'État, du gouvernement, tu le disais, l'éducation populaire, on n'en veut pas, et c'est vrai, et on a fait les frais des coupes, enfin, voilà, du manque de subventions très très important, et c'est vrai que je sais pas comment on pourrait déringardiser, comme tu disais, ce mot, mais voilà, je trouve que c'est important de remettre l'éducation populaire aussi au milieu de la place, parce que finalement, c'est ni plus ni moins que de l'échange de compétences. Enfin bon, moi, je le vois comme ça. Je t'apporte un truc, tu m'apportes un truc. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une culture ni un savoir académique, justement. C'est le contraire qui est intéressant. C'est de pouvoir, toi tu sais faire ça, bah tiens, apprends-moi, et puis moi je vais peut-être pouvoir te montrer ça. Enfin voilà, c'est un échange de pratiques, de connaissances, de culture, et c'est en ça que c'est très intéressant et que ça devrait être en fait au cœur de nos sociétés aujourd'hui. Mais je crois qu'on est plus malheureusement dans une logique de consommation, et c'est bien dommage, voilà. Oui, moi, ce que vous avez dit sur le fait que... Non, c'est pas... Vous avez dit sur le fait que la CGT, avant, ils avaient des trucs. Moi, ça me fait penser que... j'ai l'impression... Enfin, je ne me connais pas trop dans le monde syndical, mais que les syndicats ont perdu ce rôle-là. Parce que moi, ça me fait penser que... bon, si on remonte relativement loin, à la fin du 19e siècle, début 20e, en Allemagne, il y avait en fait un syndicat qui était pour tous les travailleurs... alors, c'était une usine particulière. Je crois que c'est la métallurgie. Disons que c'est la métallurgie. Et en fait, ce syndicat encadrait tous les ouvriers de leur naissance à leur mort. C'est-à-dire que quand il y avait un enfant d'un ouvrier qui naissait, et ben sa carte de visite, elle avait porté le symbole du syndicat. Et il allait, peut-être à l'école publique, mais il allait à la garderie du syndicat. Et puis quand il allait en vacances, il allait à l'occasion de vacances du syndicat. Et puis bon, toute la vie, on travaillait, on allait aux fêtes du syndicat le soir. C'était le syndicat qui organisait les balles le dimanche. C'était le syndicat qui organisait les funérailles. Ça, c'était un syndicat en Allemagne qui organisait. Donc voilà. Et en fait, la façon dont dont nos organisations syndicales encadrent un peu notre vie, bon, c'est bien ou c'est bien, mais c'est vrai qu'on a perdu ça. Et donc à cette époque-là, les syndicats faisaient beaucoup plus d'éducation populaire former vraiment la vie des ouvriers plutôt que de juste protéger les acquis, ce qui est très bien aussi, hein. Mais voilà, on a peut-être perdu ce côté de vie en communauté justement qu'il y avait vraiment dans le syndicalisme à une époque. Je sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Je suis complètement d'accord avec toi. J'apporterai simplement une nuance. Il faut savoir que dans certains, enfin, les prérogatives ont changé avec la création des comités d'entreprise. Où, dans le comité d'entreprise, on pouvait faire vivre aussi l'éducation populaire. Je pense aux colos de la RATP. Les colos de la RATP, moi j'ai été directrice beaucoup de séjours de la RATP, c'est magique parce que on va se retrouver avec des fils de cheminots et des fils de cadres de la RATP. Il y a un vrai mélange et il y a un vrai projet éducatif qui va dans ce sens-là. Hein, donc et ça qui était, c'est parce que c'est la CGT hein, qui a porté aussi ces colos, etc. avec le CE. Donc il reste encore des espaces dans les syndicats où on fait vivre l'éducation populaire, mais voilà, très de façon assez restreinte quand même, quoi, malheureusement. Mais ça, je suis archi d'accord avec toi. Après, je pense que c'est aussi une volonté politique. Et ce que disait la dame tout à l'heure, je sais pas, elle est partie. Il me semble que si on veut déringardiser, redonner un souffle à l'éducation populaire, il faut l'inscrire dans le politique. Pas le politique droite-gauche, on s'en fout. Le politique au sens de la vie de la cité, au sens de comment est-ce que je décide par moi-même, pour les autres, pour ma communauté, et ainsi de suite, quoi. Et juste pour revenir aussi, là, il y avait une dame qui disait, c'est important la démocratisation de la culture. Et j'aimerais bien mettre les cultures, en fait. J'aimerais bien mettre culture au pluriel. Voilà, parce que en fait, la culture, c'est quoi la culture? C'est celle qu'on nous impose. C'est celle que nous impose le ministère de la Culture. Les cultures, elles sont complexes, elles se vivent tout le temps. Chacun de nous est porteur d'une culture. Après, on crée des cultures, de groupes, etc., etc. Mais il me semble qu'il faudrait plutôt la mettre au pluriel. Enfin, ce mot-là, il faudrait plutôt le mettre au pluriel. Et après, aussi, par rapport à la question de la démocratisation culturelle, je suis désolée, mais les riches, ils se cultivent toujours plus vite que les pauvres, quoi. Malheureusement. Et on a beau dire démocratisation culturelle, ouais, bah pendant que le pauvre se cultive, vous croyez que le riche, il se cultive pas? Il se cultive aussi. Donc les inégalités, elles resteront toujours les mêmes. Hein, si on parle d'une culture avec un grand Q, comme je dis, quoi, c'est-à-dire une capitalisation de savoir qui servira peut-être pas forcément. Hein. Peut-être qu'il faudrait développer une culture. J'en sais rien. Ça fait peut-être un peu rêveur, mais une culture de l'humanité, une culture des humanités, une culture de. On parle de vivre ensemble. Moi, j'aime pas ce mot-là. Vivre ensemble, c'est le mot à placer dans les dossiers de subvention quand vous travaillez dans le social. Faut mettre vivre ensemble et liens sociaux. Et partenariat aussi. Bref, vivre ensemble, moi je parle de faire ensemble. Là, on fait ensemble. Là, on est en train de réfléchir ensemble, on discute ensemble. Là, ils sont en train de bricoler des trucs, ils font ensemble. Donc, plutôt que parler de vivre ensemble, parlons de faire ensemble. Il me semble que c'est ça. Voilà, ça a plus de sens que vivre ensemble qui veut rien dire, quoi, comme lien social et d'autres mots que j'appellerais valise, enfin voilà, qui nous empêchent de penser, parce que c'est les mots qui nous permettent de penser aussi. Je veux juste dire deux citations assez simples. Les cultures sont une arme, sont des armes, donc armons le peuple. Et votre cerveau sans oxygène meurt. Sans les cultures aussi. Voilà pour deux petites citations que je voulais placer comme ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Moi, je te laisse clôturer, conclure? J'ai beaucoup parlé, je vais arrêter. Je voudrais juste simplement vous remercier pour votre écoute. Cette écoute, je suis ébahie depuis le 31 mars par l'écoute de Nuit Debout, quoi. Cette écoute active, bienveillante, c'est super agréable. C'est hyper rare, en fait. Il y a plein de mots dans nos sociétés, il n'y a personne qui les écoute. Et là, il y a une écoute, c'est vraiment super. Merci beaucoup. C'est trop agréable. Je voulais juste rebondir, ah oui, sur les mots aussi. Quand on acquiert une compétence, quelle qu'elle soit, ou un savoir, quand on va trop vers la technicité, trop vers le complexe, on exclut en fait une partie des gens. C'est quand on a un vocabulaire peut-être trop technique, certaines personnes ne nous comprennent plus. Donc le vrai savoir, c'est enfin le vrai la forme de savoir la plus empathique, c'est celle qui, lorsque vous acquérissez une compétence, vous cherchez à la vulgariser dans le bon sens du terme, à la simplifier pour pouvoir la redonner au maximum de gens possible. Juste, je suis pas d'accord avec le mot complexe que tu as utilisé, parce que complexe, ça vient du latin complexus, et ça veut dire ce qui est tissé ensemble. Et il y a un grand penseur de la complexité, c'est Edgar Morin, qui nous dit, on est dans un monde extrêmement complexe où tout est tissé ensemble, et il faut pas avoir la flemme de penser dans la complexité les choses. Complexe, ça veut pas dire compliqué. Et moi, je renoncerai pas à la complexité. C'est que comme ça qu'on va arriver à comprendre le monde, quoi. Il faut pas renoncer à ça. Et je suis pas d'accord avec le fait. Tout le monde est capable de comprendre. C'est pas vrai. On faut pas niveler par le bas. On nous nivelle déjà trop par le bas. On nous prend pour des cons à longueur de journée. Ça suffit, quoi. On est tous capables de comprendre les choses dans leur complexité. Moi, j'en suis persuadée. Et c'est ça l'objet de l'éducation populaire. Et faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher parce que eux, ils font exprès de faire des systèmes aussi complexes aussi. Justement, il faut qu'on arrive à penser le monde dans sa complexité, c'est-à-dire dans ses interactions et dans les liens qui font tout ça, quoi. Voilà. En fait, je suis pas contre la complexité. Je voulais juste dire qu'en gros, il n'est peut-être pas forcément utile ici de faire des débats d'intellectuel à intellectuel. Je dis pas qu'il faut jamais en faire pour développer les idées. Mais lorsqu'il s'agit de le rendre au plus grand nombre, eh bien, il faut, à mon avis, faire des tentatives de simplification. Mais ça ne veut pas dire prendre les gens pour des cons. Ça veut juste dire essayer d'aller à l'essentiel. Voilà. Si je me suis mal fait comprendre, je ne suis pas contre la complexité. Donc, pour une définition simple mais rigoureusement mathématique de la complexité, c'est l'union de la réalité avec l'imaginaire. Voilà, donc ce que vous avez appris à l'école, plus ou moins, c'est à compter. On appelle ça l'arithmétique. Vous avez comme ça compté vos doigts. Après, on vous avait dit qu'on pouvait faire des rapports. Ça s'appelle la rationalité. Vous mettez en rapport les nombres entre eux pour obtenir des choses un peu plus compliquées, mais qui ne sont pas encore complexes. Et puis à un moment, vous parlez d'irrationalité, mais vous restez toujours dans le réel. Et puis à un moment, il va falloir développer un imaginaire. Et là, enfin, vous arrivez dans la complexité, et c'est l'ensemble des complexes. Quelqu'un veut rebondir sur les nombres complexes ou alors on passe au sujet d'après. Ouais, d'accord. Bon, bah merci beaucoup. C'est très intéressant ce que j'en ai entendu.